Un piéton marche sur l'accotement face à moi. Je n'ai aucune raison valable d'éteindre mes feux ou de ne laisser que mes feux de position. Les feux de croisement ne sont pas éblouissants. Ils sont allumés et c'est très bien. Réponse C.